Thank you. Il s'appelle P.I.D. double V. Yeah, ma. Avec le piano, mais ça va, il s'en sort bien là. J'ai bien compris, chez Annie. Allez Karma, sors la guitare. Non mais Pi, c'est un français Ben. Ben. Paradise. Paradise. Dédicace à Milos. Mon ami Milos, je t'aime. C'est le paradis pour toi. Bon Karma, est-ce qu'on la met sur ton album celle-là? On la met sur ton album celle-là? T'en es où dans ton album, amigo? Parce que là, il n'y a pas de droit d'auteur, moi je m'en branle en fait. J'en ai rien à foutre des droits d'auteur. Allez, bye, je m'en vais. Ouais. On la met en bonus. Quel album? Pas d'album. Parti Ben.